بسم الله الرحمن الرحيم فمن هذا اليوم بفضل الله تعالى سندخل في المباحث التي تتعلق بسورة النساء كما نفني البقرة après آل عمران dans les versets qui proposent l'ishkel certains ont été passés comme je l'expliquais aujourd'hui on rentre dans سورة النساء في المسألة الخمسين 50e مسألة في قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. À propos du verset sur la polygamie, où Allah Azza wa Jalla dans le sens où il dit et si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule femme, c'est-à-dire après avoir dit d'en prendre quatre ou trois ou deux, plutôt deux, trois ou quatre. Sur la Tanisa, verset 3. Qala هذه الآية والكلمة تدل على أن العدل بين زوجات ممكن وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن وهي قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. Donc ce noble verset nous laisse voir qu'il est possible d'être juste envers les femmes. Et un autre verset, toujours en sourate An-Nisa également à la fin, qui montre le contraire. Que cela n'est pas possible. Lorsque Allah Azzawajal, dans le sens où il dit que vous ne pourrez être juste entre les femmes, même si vous essayez de le faire. Verset 129. قال الجواب عن هذا أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن والعدل في توفية الحقوق الشرعية. Donc le adl dont Allah Azzawajal parle dans ce verset, et celui qui est wajib, qui est obligatoire, c'est le fait de rendre les droits légiférés. Dans ce qui est dépenses, dans ce qui est partage, et ce genre de choses. Wal adl allazi dhakara annahu ghayr mumkin wal musawah fil mahabbati wal mayl wat tabi'i liana hadha infialun wa la fi'lun fa laysa tahta qudrat al bashar. والمقصود أن من كان أميل بالطبع إلى إحدى زوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية كما يدل عليه قوله تعالى فلا تميل كل ميل. Donc celui, par contre, le adl, c'est-à-dire la justice qui n'est pas possible, c'est en fait de fait d'égaliser dans l'amour et dans le penchant naturel. Car cela est un sentiment et non pas un acte. Et que cela n'est pas sous le contrôle de la personne. Les sentiments ne sont pas sous le contrôle de la personne. Donc le but en cela, c'est que celui qui a plus de penchant pour l'une de ses femmes, par amour, par sentiment, il faut qu'il craigne Allah Azza wa Jal et qu'il soit juste dans les droits shadri, légiférés, en ce qui touche au bien au partage. Comme le monde apporte dans le sens où il dit, et ne vous penchez pas totalement, c'est-à-dire avoir un penchant total pour l'une des femmes, contrairement à l'autre, sourate 129, au verset 129. Qala وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك والضحاك ابن مزاحم نقله عنهم ابن كثير في التفسير قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. Donc ça, ce qol là, c'est le qol qui a été apporté par beaucoup de mufassirin parmi ibn Abbas, Ubayda Sulaymani, ou Salmani, Mujahid et autres. Celui également qui a été cité par Ibn Kathir dans la part de là, dans le sens où il dit « Et vous ne saurez être juste, vous ne pourrez être juste entre les femmes. » Sur la 129. « Wa rawa Ibn Abi Hatim an Ibn Abi Mulaika anna ayat wa lantastati'u an ta'adilu bayna nisa nazalat fi Aisha lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yamilu ilayha bitabri aksar min ghayriha. » Et il fut rapporté de Ibn Abi Mulaika par Ibn Abi Hatim, que le verset où Allah a changé dans le sens où il dit que vous ne saurez être juste entre les femmes, celui-ci est descendu par rapport à Aïcha, radiallahu anha, du fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait plus de penchant pour elle que pour les autres femmes. Wa rawa l'imam Ahmad wa ahlu sunan an Aïcha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqsim bina nisa'ihi faya'adil thumma yaqul Allahumma hadha qasmi fima amliku falatu atalumni fima la amlik. فلا تلومني بل فلا تلومني فيما تملك ولا أملك يعني القلب انتهى من ابن كثير. Et l'imam Ahmed rapporta dans ses Sunan, selon Aïcha, qu'elle a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam partagé entre ses femmes, il était égal. Puis il disait, oh Allah, ceci est mon partage dans ce que je possède, dans ce que je maîtrise, on va dire. Je contrôle. Ne me réprimande pas pour ce que je ne possède pas, mais ce que tu possèdes toi, c'est-à-dire le cœur. C'est-à-dire le cœur. Et là, de là s'achève ce qu'a rapporté Ibn Kathir par rapport à ce verset dans son tafsir. Donc ça, c'est le jam entre les deux versets, car certaines personnes ont essayé de montrer qu'il y a des contradictions dans le Coran par rapport à la polygamie, que ceci n'était pas possible par rapport à ce genre de verset. Et ça, c'est un fahm qui est qasir, jiddan. Une compréhension qui est vraiment réduite de la part de ces gens-là. Soit d'un jahl et qu'ils apprennent, qu'ils savent, ou alors des personnes qui ont une mauvaise intention. Wallahu ta'ala a'lam. Fabiyad al-Qadnaq Tafi. Walhamdulillah Rabbil Alameen.